dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Dès lors que je l'ai aperçue, c'est la seule sur la piste qui bougeait son boule comme personne. Je me sens pris comme au dépourvu. Je m'approche d'elle, optimiste, afin de lui demander son fun. Je pensais que je ne serais pas déçu, mais elle me dit que je vais trop vite, elle a l'air loin d'être conne. En plus de ça, elle m'a répondu, si c'est juste pour un coup de bite, je t'ai trompé de personne. Cette femme m'obsessionne, je ne pense qu'à elle. Elle m'impressionne, me rendrait celle fidèle. J'avoue qu'elle m'intrigue de par son caractère. Jamais ne se fatigue lorsqu'on s'envoie en l'air. J'aime quand elle se donne à moi sans pareil, et que l'on se promet, on se émerveille. Car je n'ai qu'en tête envie de la satisfaire, mais cela se passe aux commentaires. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Lorsqu'elle se penche dans un élan de séduction, j'agrippe ses hanches avec sa permission. Elle se déhanche au rythme des percussions et jamais l'on planche avant l'ébullition. Elle se dévoile comme jamais elle ne l'a fait. Elle lève le voile sur sa timidité. La chaleur s'installe, sent déjà l'humidité. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet, elle dissimule ses cris. La tête dans l'oreiller, elle s'agrippe au lit. Je crois qu'elle va plier, comme c'est toute la nuit. Ensemble on va veiller, veiller au fait qu'elle ne va pas s'ennuyer. Loin de nos débats, le temps passe trop vite. J'aime quand elle est sur moi, et qu'elle encore s'agit. J'aime quand elle ne comprend pas, quand elle arrive en fuite. Et tout le plaisir que je désire lui suscite. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle. Dès que je pose mon regard sur elle, elle me donne envie de jouer des jeux sensuels. Elle a l'air tellement sourdelle que je peux m'empêcher de rêver mon corps sur elle.